FrenchPod.com. Après avoir effectué la visite des caves, nous allons passer à la dégustation. Ah, enfin. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, une sélection des 5 meilleurs vins de notre coopérative pour l'année 2002. Je tiens quand même à signaler que 12 châteaux de notre belle région viticole ont reçu le titre d'appellation d'origine contrôlée et que 8 vins ont été désignés grands crus. Impressionnant. C'est pas mal, hein. C'est bien. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez devant vous 2 rouges, 2 blancs et 1 rosé, tous de cépages différents. Je vais commencer par vous faire goûter le château Montbazillac. C'est un vin blanc, liquoreux, de grande qualité. Remarquez en premier lieu la robe de couleur paille qui fonce et s'accentue au fil des années. Ça a l'air d'un vin vraiment de grande qualité. Quelle belle couleur! Je vais maintenant vous demander de saisir vos verres et de faire tourner le vin délicatement. Parfait. Nous pouvons à présent le humer. On peut noter qu'il développe des arômes de miel et un parfum de fleurs d'acacia et de pêche, avec des nuances de mirabelle et d'agrumes confits. Il est temps à présent de prendre une gorgée. Je vous conseille de faire tourner le vin dans votre bouche pour vous en imprégner. Sentez-vous comme il est déjà puissant et corsé? Ouais. Quelle saveur! C'est un vin qui, bu jeune, est déjà agréable et séduisant, mais qui gagne en vieillissant. Il acquiert alors une finesse, un moelleux et un bouquet qui confine au sublime. C'est un vin qui, lorsqu'il est réussi et que le millésime lui a été favorable, peut tenir 20, 30 ans et plus. Oh. Combien la bouteille?